Bonjour, je suis Jean-Paul Thomas et je suis archiviste à la ville de Châteauroux et à Châteauroux Métropole. On dépend de Châteauroux Métropole, c'est une compétence Châteauroux Métropole, mais on fait les archives de la collectivité territoriale Châteauroux Métropole et de la collectivité territoriale Ville de Châteauroux. On ne récupère pas les fonds provenant des communes qui sont de Châteauroux Métropole. Voilà. Le poinçonner, tout ça, c'est pas nous. Nous, c'est juste la collectivité Châteauroux Métropole et la ville de Châteauroux. Voilà. Plus des fonds particuliers. Donc, nos missions, c'est nos. On appelle ça les 4 C : collecter, classer, conserver, communiquer. Tous les documents issus des deux collectivités. Et aussi d'autres documents que l'on récupère en externe de donateurs particuliers ou d'associations. Le terme archive est assez est pas bien perçu dans sa globalité. En fait, dès que l'on commence à écrire un document, normalement, c'est considéré comme une archive, quel que soit le producteur, quelle que soit la personne, quelle que soit la nature aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est passé maintenant du papier à l'électronique, quel que soit donc son support, donc un tableau, ça peut être considéré comme une archive, une casquette Ville de Châteauroux, on a des objets, des maquettes, des plans, des affiches, des négatifs de Gilles Colosio, de toutes ses photos, des plaques de verre... des disquettes 3 pouces 1 quart qu'on a récupérées, des cassettes vidéo. Donc c'est très, très hétéroclite comme type de document. À partir du moment où une personne de la collectivité, en tant que personne publique, commence à écrire, notre travail, c'est d'aller après récupérer ses archives, parce que c'est considéré comme une archive, et ensuite, ça sera de faire ce classement, donc ce tri. Puisque toutes ces archives ne sont pas à conserver définitivement. On se base sur des circulaires qui viennent des archives de France. Ces circulaires émanent du code du patrimoine, qui est un code comme le code électoral, comme le code de l'urbanisme, comme le code du travail. C'est notre travail, et ce qui fait sa richesse, c'est que c'est un métier transversal. C'est-à-dire que nous, quand on va dans les services, on est obligé de connaître ce qu'ils font, quel type de documents ils utilisent, pourquoi faire, pour qu'ensuite, nous, on arrive à comprendre si ces documents-là vont être conservés à vie, c'est pour ça qu'on parle de conservation, ou si on va les éliminer, passer une durée d'utilité administrative, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le document peut être posé en justice. Acte de naissance, mariage, décès, délibération. On a trois âges dans les archives. L'âge courant, on va prendre l'exemple d'un permis de construire. La personne, le demandeur, fait une demande auprès de la commune. Le permis va être instruit. Donc pendant cette durée-là, c'est la durée d'utilité courante. Ensuite, on va avoir la durée d'utilité intermédiaire. Une fois que le permis a été signé, il n'a plus d'intérêt quelque part pour le demandeur. On imagine que c'était conforme. Il n'a plus d'intérêt pour le moment. Mais au sens des lois, il a une durée d'utilité administrative qui dépasse sa durée d'utilisation courante. Donc du coup, dans le service, il n'y a plus forcément besoin de ce permis-là. Donc ça part chez nous. Et donc ça, c'est l'âge intermédiaire. Et à la fin de cet âge intermédiaire, on se pose la question. Et là, ce n'est plus une question d'ordre réglementaire, législatif. C'est est-ce que ce document-là a un intérêt historique pour la commune ? Cette décision, elle est prise par nous via les archives départementales de l'Inde, puisqu'on est sous la tutelle des archives départementales qui représentent l'État. Et elle est prise aussi par l'Association des archivistes français et la direction des archives de France. Ces circulaires reprennent donc ces différents codes et à la fin estiment que ces documents-là doivent être gardés ou pas. La plupart des gens, les archives, c'est des documents qui sont vieux. Bien sûr, on a des vieux documents. Un registre de catholicité de 1628, par exemple, mais c'est pas que ça. En blouse, aller fouiller dans les vieux documents. Non, parce que le but, justement, donc on a cette fameuse collecte et ce classement. Et le classement, si on ne va pas dans les services pour savoir, par exemple, quels documents ils utilisent, pourquoi il est fait, donc en face, quel circulaire on va y mettre, on ne peut pas comprendre donc, le fonctionnement du service, donc on ne peut pas faire un bon classement. Moi, je pensais, je vais faire des recherches. Je vais voir des trucs. Puis en fait, c'est pas que ça. On soulève beaucoup le côté physique. Pour donner un ordre d'idée, puisqu'on fait des statistiques sur le service. Hein. Mais généralement, le service, c'est plutôt ma collègue et moi. Au mois de février, on a soulevé 47 tonnes. En un mois. Et je pense que j'en ai oublié. Mais moi, j'aime tout. J'ai toujours été un peu curieux, on va dire. Dans mon domaine, dans mes études que j'ai faites, j'ai touché un petit peu à des choses qui vont de l'urbanisme à l'histoire. De mon côté personnel, j'adore le sport. Donc, je suis un petit touche-à-tout, quelque part. Et puis, c'est intéressant de voir comment les services fonctionnent, parce que pour la vie de tous les jours aussi, déjà, c'est intéressant. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a commémoré, alors je ne sais plus si c'était en 2014 ou 2018, il y a eu une grande campagne européenne qui s'appelait Europeana pour emporter ces documents, les apporter au service, que nous en échange on les numérise et qu'on les mette en ligne sur cette base de données européenne qui existe toujours d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est une carte postale où au dos, Le papa écrit à sa fille en disant ben, je serai peut-être plus là, et trois mois après, il est mort. Quoi. Et donc, il écrit à sa fille en disant au combat, c'est dur, tout ça. Il y a des choses aussi qui m'ont touché aussi, toujours pareil en 14-18, puisqu'on a retrouvé de deux personnes qui n'étaient pas de Châteauroux au départ, qui ne se connaissaient pas. On a récupéré ces fonds-là par des personnes qui vivent maintenant à Châteauroux. J'ai essayé de lire ce qu'il y avait, et c'est en lisant ça. Et je me suis rendu compte que ces deux personnes qui n'avaient aucun lien, il y en avait un qui avait plus ou moins sauvé la vie à l'autre. Et ça, c'est un truc de fou, quoi, parce que... Et dans le carnet, oui, mais le copain Soué... Et en fait, Soué, bah, je l'avais retrouvé par quelqu'un d'autre qui me l'avait emmené. On a dedans la description des combats, ils étaient à même pas 50 mètres, ils étaient dans une ferme et ils se jetaient, je sais plus quoi, des grenades, autres. Et on a ça, puis du coup, à un moment, il a été le sortir de la ferme parce qu'il était blessé. Et ça c'est génial, je trouve. Mais ça c'est... Moi, j'aime bien ça, ces choses-là. C'est marquant, quoi, ça marque. Notre plus vieux document, on va dire, vraiment utilisé, c'était un registre paroissial de 1628. On a une charte alors qui doit être du 12e siècle, je crois. On a beaucoup d'objets qu'on a eus par des particuliers, mais on a aussi beaucoup d'objets qui viennent par le maire. Parce qu'on n'y pense pas, mais les associations... Elles vont donner la casquette, Dark va donner, par, je ne sais pas, ce qu'ils font, des petits goodies, des trucs comme ça. Ça appartient au maire en tant que personnalité, en tant qu'élu, en tant que personne publique. Toutes les villes de jumelles, elles offrent des cadeaux au maire. On a des pêcheurs en bois qui viennent, je crois que c'est la ville de Gütersloh qui ont donné les pêcheurs en bois. On a, de mémoire, on a un chapeau en verre. J'ai vu passer pour les Chinois, c'était beaucoup de parchemins, des t-shirts, des médailles, pas mal de tableaux aussi. On a un vitrail, je crois que par Holstein, le vitrail. Et ensuite, par les particuliers, quand ils nous font des dons, on a Monsieur Portrait, qui est mort malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça, qui était un cartophile. On doit avoir 10 000 cartes postales sur le département de l'Indre, qu'on est en train de coter dans un premier temps. On a aussi des vieilles bouteilles de bière, des brasseries Grillon ou des brasseries Malbaie, par exemple. On a des boîtes de Pulmol, pastilles Pulmol, parce que c'était les laboratoires Lafarge qui faisaient ça là où il y a McDo actuellement, là, en face Carrefour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un vieil électrophone, je crois. Nous, on a récupéré aussi les appareils photo de Gilles Colosio parce que on a de l'appareil photo argentique. On aime bien montrer ça des fois, des petits troisièmes qui viennent. Est-ce que vous connaissez un négatif ? Ils n'ont jamais vu ça. Beaucoup de maquettes, parce que pendant un moment, du temps de M. Bernardet, beaucoup se faisaient ça. Il y avait un atelier, ce qu'ils appelaient l'atelier d'urbanisme, et dans cet atelier d'urbanisme, qui travaillait sur l'urbanisme en général, hein, ils concevaient beaucoup de maquettes. Donc il y a eu, pendant un petit moment, il y a eu pas mal de maquettes, mais on a la maquette d'Equinox, qui se trouve par exemple à Equinox, l'ancien centre social rue de la République, là, on l'a. On a la maquette du pavillon 7 de l'hôpital, qu'on a récupéré. On a la maquette de la guinguette, à Béline. Plusieurs maquettes du projet de l'îlot Molière qui est derrière nous, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme maquette ? On a la maquette de la place Napoléon. Et on a aussi, qui était sympa, une maquette au 2000e de la ville de Châteauroux. Donc, qui fait, c'est 6 panneaux de 1,50 m par 1,50 m, je crois. Donc, voilà, de temps en temps, on sort. Là, actuellement, il y a une partie qui est exposée à l'office de tourisme. Et ça se fait toujours, alors de moins en moins, effectivement, mais... Dans la salle polyvalente de Balzaneo, là, qui est au sous-sol, il y a la maquette de Balzaneo. Ça fasse partie de la direction de la culture. C'est pas forcément le cas dans tous les services d'archives. Non, ça peut dépendre aussi, par exemple, plutôt de la direction générale. Encore une fois, ça dépend comment on le ressent. Je vois mes collègues, par exemple, d'Issoudun. Elles dépendent de la médiathèque. Nous, il faut pas oublier qu'au départ, on doit collecter aussi pour justement pouvoir faire ce devoir de mémoire derrière. C'est collecté auprès des services. Donc, quelque part, c'est transversal. On pourrait être dans une direction transversale, on va dire. Mais la culture, c'est bien, oui, c'est bien de le positionner là aussi. Je veux bien faire un appel, mais on l'avait déjà fait pour dans le cadre des JO, là. Il y avait eu un appel aux archives du sport. On a vu comme ça, mais je suis un peu jaloux du fonds Valère Fourneau, qui est, lui, aux archives départementales, et qui a été donné, si je ne me trompe pas, par sa petite fille ou sa fille, je ne sais plus exactement. Moi, pour moi, je l'ai été le voir parce que à l'époque, j'étais à l'SPTT et on avait travaillé sur les 80 ans. Et c'était de savoir comment ça arrive à Châteauroux, par quelle section ils ont commencé. Ah bah tiens, ça, je ne savais pas. Ils ont commencé à Saint-Jean-de-Bosco. Donc on voit les filles jouer au basket, sur du cendré, on les voit avec. Ils avaient fait une petite guitoune. Avec en plus des belles photos parce qu'elles ne sont pas. Non, mais moi, j'adore ça. Je connaissais l'histoire de Firmin Baptiste. Avec Châteauroux Plage. On a toute l'explication, on l'a. Il y avait Miss Bellil et Mister Bellil. Donc et on a des photos de défilés de mode, sur le sport aussi, tout ça on n'avait pas. On voit des Américains aussi. Parce que c'est pareil, des photos d'Américains, on n'en a pas tant que ça sur tous les jours à Châteauroux. Choses qui sont intéressantes au niveau de la culture à Châteauroux. Bah déjà, vous avez quand même Equinox, ça au niveau culture, c'est quand même une scène nationale. Il y a une volonté de faire bouger les choses qui, pour moi, est au départ globale, c'est-à-dire que ce ne soit pas que dans le domaine de la culture, mais on la ressent aussi dans le domaine de la culture. Vous avez les vendredis musique, il y a Dark. Voilà, on ne peut pas oublier Dark quand même. Il y a l'Histomania, il y a quand même beaucoup de choses. Et le conservatoire fait quand même beaucoup de choses aussi. On a un plan d'évacuation d'urgence. Hein, oui. Où on a justement des documents prioritaires. Bah, c'est l'état civil, la compta et les délibérations. les trois axes majeurs d'une vie de la collectivité, quoi. L'état civil, bah, c'est pour les personnes. La compta, bah, c'est pour les finances de la collectivité. Et les délibérations, c'est toutes les décisions prises par la collectivité, quoi. Donc généralement, c'est ça en premier. Après, est-ce qu'on est les gardiens du temple? Je peux pas. Quelque part, oui. Ben, normalement, on se veut pour ça, quoi.